Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les croyances et les superstitions des temps anciens ont-elles encore quelque chose à nous dire ? C'est pour essayer de le comprendre que l'équipe des Nuits Magnétiques a réalisé en 1979 une série de 5 émissions sur la magie telle qu'elle est pratiquée à notre époque. Le troisième œil, c'est le nom de cette série dont vous allez entendre tout de suite le troisième épisode consacré au désenvoûtement et à l'exorcisme. Ce mot « exorcisme » a tendance à effrayer. Il y a d'ailleurs de quoi en se remémorant les scènes les plus marquantes du film « L'exorciste » de William Friedkin. Mais on est ici assez loin de ce folklore démoniaque. L'exorcisme ou le désenvoûtement peut aussi se comprendre comme une tentative de l'esprit pour se défaire d'une mauvaise influence extérieure. Contre toute attente, psychologie, magie et religion ont peut-être beaucoup de choses en commun. Bonsoir. Non, je ne peux pas te parler du diable comme ça, de but en blanc. Enfin... Non, vraiment pas. T'es jamais arrivé que le regard de quelqu'un te fasse peur, à toi ? Hein ? Jamais t'as eu peur du regard de quelqu'un ? Hein ? Pourquoi tu veux pas répondre ? J'ai beau être sorcier, je ne crois pas au diable. C'est peut-être curieux, mais en fait, c'est comme ça. Je ne suis pas le diable, non. Je ne crois pas. Mais évidemment, je peux être une émanation du diable. On est tous une émanation du diable. Troisième œil, par Liliane Abinsour, Laurent Danon-Boileau et Bruno Sourcy. Ce soir, désenvoûtement et exorcisme. Judith. Quand je dis je me sens le diable, ça veut dire que je sens en moi des pouvoirs maléfiques, disons. Hein, c'est un peu ça. C'est des choses que je ressens, tu vois. Enfin, à mon avis, tu acceptes pas d'avoir peur, quoi. Donc, tu acceptes pas de voir qu'il y a des forces. Du fait que tu as tellement peur d'avoir peur que. Je crois que t'y perds, enfin toi, je dis toi, des gens qui pensent comme toi, quoi. Je crois que t'y perds justement de pouvoir utiliser certaines forces, surnaturelles. Roland Villeneuve, historien de la sorcellerie. Je peux vous dire comment on devenait sorcier. C'était tout, enfin dans la France d'autrefois, enfin dans l'Europe de jadis, on devenait sorcier parce que souvent on était fils ou fils de sorcier par la mère. La filiation était maternelle et la mère était sorcière et le plus souvent elle avait eu un enfant de son propre fils. On devenait sorcier de cette façon, ou alors parce que votre mère ou votre père qui était sorcier vous présentait un jour au diable lors de la cérémonie du sabbat, et le diable vous marquait de sa griffe, c'était le sigillum, enfin le sigillum diaboli, la marque du diable qui vous faisait passer sous la cohorte diabolique et qui effaçait les traces du crème baptismal. Et à ce moment-là, vous deveniez sorcier, c'était tout ce qu'il y avait de plus facile. Mais il fallait évidemment accepter tous les attendus du pacte. Thank you. Décembre 1979. Monsieur de Montagu, sorcier à Paris. Au niveau de mes enfants, enfin, le rapport de mon fils, plus précisément, qui a 7 ans avec la sorcellerie, ça se passe très très bien, en fait. Dans un premier temps, évidemment, il avait des petits copains qui lui disaient « Qu'est-ce qu'il fait ton père ?» Alors le gamin, très sûr de lui, très tranquille, etc. Comme moi je l'ai toujours été, d'ailleurs, ça s'est toujours passé de la même façon. Ah oui, mon père, c'est un sorcier. Alors, bon, éclat de rire, évidemment, au niveau des petits copains, c'est assez marrant, parce qu'en fait... Ils n'étaient pas du tout préparés à ce genre de choses. Enfin, ils voyaient tout de suite Merlin l'Enchanteur. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait apparaître des petits lapins. Enfin, il fait disparaître. Oui, il fait apparaître des dragons ou il fait disparaître des objets. Non, non, pas du tout. Non, non, il fait de la sorcellerie. Il fait de l'envoûtement, répond mon fils. Alors, appelé chez la directrice. Enfin, il avait à l'époque 5 ans. Appelé chez la directrice, il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous racontez à vos petits camarades. Enfin, c'était. Ben, oui, c'est vrai, mon père est sorcier. Et la directrice de prendre le téléphone et de me dire, monsieur, écoutez, j'aimerais avoir quelques éclaircissements parce que votre fils qui est au jardin d'enfants passe son temps à dire que vous êtes sorcier. Mais je lui dis, mais oui, madame, je fais de la sorcellerie, effectivement, et je ne vois pas en quoi cela peut vous déranger. C'est passé dans les mœurs, en fait. Maintenant, il est toujours dans la même école, ça se passe très bien. Il travaille bien, bon, ben, il n'a pas de problème. Il assume parfaitement son rôle de fils de sorcier et espérant lui-même devenir sorcier plus tard, enfin, comme je l'ai été. Moi, je suis fils de sorcier, petit-fils de sorcier, arrière-petit-fils de sorcier depuis 9 générations. Ben, je pense que ça continuera. Non, ça se passe très bien, en fait. Bon, j'ai quelquefois des réactions assez curieuses, en fait. Quand je fais une demande de crédit, par exemple, on me dit profession, je marque sorcier. Alors les gens me regardent avec un certain intérêt. J'ai dit, ben oui, comment voulez-vous que je qualifie ma profession? Je fais de la sorcellerie, je fais de l'envoûtement, je fais du désenvoûtement, je fais des retours d'affection, comme on dit. Je fais de la sorcellerie. Que j'essaye de faire comprendre aux gens, je leur dis, enfin, j'ai joué à peu près 3 ou 4 personnes tous les jours qui viennent me dire je suis envoûté. Je leur dis, ah bon, c'est très bien, vous êtes envoûté. Ah bon, qu'est-ce que vous avez? Alors ils me décrivent les symptômes les plus démonstratifs de la dépression nerveuse ou de phénomènes de somatisation. Je leur dis, mais c'est pas de l'envoûtement, ça, c'est de la somatisation. Ah oui, c'est ce que le médecin m'a dit, il a essayé de me soigner, mais ça marche pas, alors donc je suis envoûté. Je leur dis, écoutez, est-ce que vous, dans votre entourage, ou dans les gens qui sont susceptibles de vous détester ou de vous aimer, je dis, est-ce que vous avez des gens qui sont susceptibles de dépenser à la fois du temps, de dépenser de l'argent pour aller voir un sorcier qui va vous envoûter? Parce que je dis, vous pensez que en fait, votre concierge vous en vaut suffisamment pour faire travailler pendant 28 jours quelqu'un qui va lui demander à peu près l'équivalent de son salaire mensuel pour faire un envoûtement contre vous. Alors là, ça les refroidit un petit peu, parce qu'effectivement, ils se disent quand même, la concierge, elle a peut-être pas dépensé l'équivalent de son salaire pour aller voir un sorcier pour m'envoûter, puis ça fait peut-être quand même pas 2 mois ou 3 mois qu'elle m'envoûte. Alors là, ça les fait réfléchir. Alors souvent, le désenvoûtement se solde par... la réponse de l'envoûté se solde par la réponse suivante. Enfin, on me dit, bah oui, mais peut-être que, vous comprenez, c'est peut-être tout simplement parce que j'ai des ondes négatives. Alors ça, les ondes négatives, ça, soigneusement entretenues par les petites voyantes, et les ondes négatives soigneusement entretenues par les magnétiseurs, qui eux vendent des ondes positives, ça c'est aussi quelque chose, c'est aussi un problème. Alors en général, je les renvoie, je leur dis, écoutez, bon ben, je vais étudier le problème, et puis vous venez me voir d'ici 15 jours ou 3 semaines, et puis s'il y a un petit mieux, vous me le dites. Alors souvent, ils reviennent me voir en me disant, oui, ça persiste. Alors dans ces cas-là, j'hésite pas, je les désenvoûte. je suis pas du tout partisan du désenvoûtement, si vous voulez. Je crois qu'en fait, il y a une chose très importante à préciser. C'est que il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a d'une part l'exorcisme, qui est une spécialité religieuse, et personne, enfin aucun laïc ne peut se permettre de faire un exorcisme. Ça, c'est une chose qui est bien précise. L'exorcisme, c'est en fait essentiellement axé sur un phénomène de possession, entre guillemets, démoniaque. L'exorcisme est réservé à un prêtre qui a été normalement ordonné, qui a reçu l'ordre d'exorcisme et qui de ce fait peut intervenir. De toute façon, l'Église catholique romaine, je précise, a tendance à maintenant nier un petit peu sa mission d'exorcisme. Elle n'a pas tort, parce qu'en fait, j'ai beau être sorcier, moi, j'ai pas du tout... J'ai beau être sorcier, je ne crois pas au diable. C'est peut-être curieux, mais enfin, c'est comme ça. Bien, si vous voulez, donc, le rôle de l'Église, s'arrête donc à l'exorcisme. Et puis, il y a d'autres spécialités, en particulier le désenvoûtement. Bon, le désenvoûtement, c'est en fait... C'est là où on rentre vraiment de plein pied dans la sorcellerie. On va désenvoûter quelqu'un qui est envoûté ou envousté ou... qui est donc assujetti à un problème d'envoûtement, c'est-à-dire un problème de dépendance par rapport à un sorcier qui lui aurait théoriquement lancé un sort. Alors ce problème de désenvoûtement offre des avantages, effectivement, ça fonctionne, hein, ça fonctionne, mais à partir du moment où l'envoûtement est continué, la personne qu'on a désenvoûtée va se trouver, au bout d'un certain temps, assujetti à nouveau à l'envoûtement. Alors, il n'y a pas de cesse, si vous voulez, on va désenvoûter quelqu'un, on va attendre un certain temps. Traditionnellement, c'est 28 jours, qui correspond en fait à la durée du mois lunaire. Et puis, le mois lunaire suivant, c'est-à-dire au cycle lunaire suivant, l'envoûtement va recommencer. Bon, alors là, il n'y a pas de cesse, on envoûte, on désenvoûte. Alors moi, je ne suis pas du tout partisan de cette technique-là, je suis partisan d'une technique qui est beaucoup plus sophistiquée, c'est en fait ce qu'on appelle un contre-envoûtement. Le contre-envoûtement, c'est en fait, vous voyez, c'est un petit peu comme le judo, on utilise la force de l'adversaire et on lui retourne c'est un retour à l'expéditeur. Hein. C'est-à-dire que le contre-envoûtement, c'est en fait un envoûtement différé, c'est-à-dire qu'on va prendre la personne qui est victime de cet envoûtement et on va faire un... Dans un premier temps, on va constituer une petite statuette qu'on appelle une dagide. Cette dagide qui est un mélange de cire, d'argile, de certaines herbes, dans lequel on inclut des éléments corporels de la personne sur qui on veut travailler. Ce que j'appelle éléments corporels, bon, c'est des choses classiques, traditionnelles, c'est-à-dire ou de la salive, ou du sang, ou des cheveux. Et on va inclure donc dans cette statuette qu'on appelle une dagide ces éléments corporels. Et on va faire un transfert de sensibilité de l'intéressé sur la petite statuette qui va en quelque sorte le représenter, être en fait un frère jumeau, une espèce de double de lui. Et ce transfert de sensibilité va s'opérer, c'est au niveau du rituel que ça se fait. On va commencer un rituel qui lui va s'étendre sur en général un cycle lunaire, c'est-à-dire 28 jours. Et alors la cérémonie, elle est en fait extrêmement simple, il y a peu d'objets, traditionnellement, on a les objets qui correspondent aux quatre éléments, c'est-à-dire qu'on a l'eau, une coupe remplie d'eau salée qui représente en fait le milieu initial, le milieu primitif, donc pratiquement c'est la mer. On a un encensoir ou un brûle-parfum qui représente en fait l'air, puisque en fait la fumée de l'encens représente l'élément air. On a très souvent des cierges en nombre très variable. Ça, c'est une question de moyens. Vous avez des sorciers qui travaillent avec une simple bougie en suif. Il y en a d'autres qui travaillent avec des cierges extrêmement coûteux et des chandeliers hautement sophistiqués. En fait, il faut avoir simplement les quatre éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu. C'est tout. Et à partir du moment où on a ces éléments-là, on va donc pouvoir commencer un rituel qui est en fait une succession de petites cérémonies d'une heure et demie chacune sur la statuette en question. Alors ces cérémonies peuvent se dérouler de différentes façons. Si vous voulez, il y a autant de rituels que de problèmes d'envoûtement. Et à partir du moment où ce transfert de sensibilité a été effectué, toute l'action magique négative, en fait toute l'action magique néfaste qui venait sur la personne, alors là je parle au niveau traditionnel, c'est très dogmatique ce que je dis, mais c'est volontairement que je le dis, va donc se transférer sur cette petite statuette. À partir de ce moment-là, l'intéressé lui est coupé complètement de la source de l'envoûtement, et c'est au contraire la dagide qui va se charger, un petit peu comme une batterie de voiture qui se charge progressivement, qui va se charger en son lieu et place. Alors là, on fait un travail, l'opérateur va faire un travail qui va durer justement 28 jours. toujours les 28 jours qui correspondent au cycle lunaire, qui est en fait un cycle vital. Et au cours de ces 28 jours, la statuette va se charger progressivement. Et au bout de ce laps de temps de 28 jours, la statuette va être enterrée. Ça, c'est le vieux truc classique. On enterre la statuette du double. On va enterrer cette statuette au pied d'un arbre, traditionnellement. L'arbre servant vraisemblablement de catalyseur en tant que témoin vivant, enfin en tant qu'entité vivante, même végétale. Et à partir du moment où la statuette va se dégrader, toute la charge qui s'est accumulée à l'intérieur va reprendre le sens inverse. Vous savez qu'il y a, enfin, traditionnellement, encore une fois, il y a un lien qui s'établit entre l'envoûteur et l'envoûté. Et à partir du moment où la statuette va commencer à se dégrader, ce lien qui était établi primitivement entre l'envoûteur et l'envoûté a été transféré de l'envoûteur à la statuette. Et à partir du moment où la statuette se dégrade, eh bien, l'envoûtement suit le fil conducteur, et c'est ce qu'on appelle le choc en retour. Donc le contre-envoûtement, c'est un désenvoûtement avec, choc en retour programmé. Je suis guérisseur à Paris et je pratique par le magnétisme, par imposition des mains. Le guérisseur, c'est l'homme que l'on va voir une fois qu'on a tout essayé. Une de mes particularités, c'est que je peux trouver les organes qui fonctionnent mal simplement par le survol du corps, sans toucher la personne, avec les mains. Or, il existe certains cas où le diagnostic, c'est pas une forme de diagnostic, puisqu'il s'agit simplement de ressentir un rayonnement des organes défaillants, ce rayonnement n'existe pas, ou je ne peux pas le ressentir. Et de la même façon, si je ne peux pas le ressentir, je ne peux pas traiter ces personnes par le magnétisme, donc je ne peux pas les aider. Et c'est comme ça qu'est venue cette constatation que c'est toujours un cas, disons, d'envoûtement ou d'influence extérieure, quelque chose qui ne permet pas d'appliquer aucune thérapeutique. Il y a certaines affections de la peau, comme le psoriasis, le lichen plant, qui très souvent relève de ce genre de phénomène. Il est certain que la fréquence de ces cas est relativement minime. Je ne sais pas, c'est de l'ordre de 2 ou 3% seulement. Dans ces cas-là, j'ai recours à un exorciste. J'envoie ces personnes à des exorcistes. Et lorsque ces gens me reviennent après, eh bien, ils sont complètement transformés. Et la guérison, bien sûr, intervient rapidement. Monseigneur Marc-Antoine Augusti, de l'Église catholique apostolique, exerçant à Paris. Parmi, disons, les patients qui viennent me voir, souvent ce sont des gens qui me sont adressés par des médecins. Lorsqu'il y a un traitement et que ce traitement bute, voyant que malheureusement on a du mal à trouver la guérison ou le médicament souvent mon adresse pensant qu'il y a autre chose que cela. Bon, actuellement, je pense qu'il faut rester un petit peu moderne et ce qu'on appelle envoûtement, possession, moi j'appelle ça des ondes de forme. C'est à la mode. Je pense que tout est vibratoire. Un envoûtement est une chose vibratoire, une onde de forme posée, une onde pensée qui se cristallise sur un patient. Et lorsque cette charge est très importante, ça va lui donner donc ces névroses que l'on retrouve chez Tancré. Donc, en tant que prêtre, je me sers la plupart du temps des exorcismes de l'Église romaine, qui est donc soit de Léon XIII, soit l'exorcisme de Malines, qui, à mon avis, sont les plus intéressants, les plus puissants. Mais je dois dire aussi que je suis pied noir. Et j'ai vécu avec donc les musulmans et j'ai été élevé par un rabbin. Et naturellement, comme toutes les religions, il y a toujours un exorcisme, qu'il soit romain ou autre, mais il y a toujours un exorcisme. Et je pratique également un exorcisme, donc oriental, que je trouve assez intéressant, puisqu'il nous permet également de constater s'il y a quelque chose, et si la prise du, enfin, ces vibrations négatives ou cette pollution a disparu. Dans beaucoup de cas, je commence par l'exorcisme romain, et je fais le deuxième exorcisme, qui est donc oriental. Transfert, on le retrouve également dans l'idée, dans la Bible, puisque Jésus ayant chassé un esprit, n'est-ce pas, d'un muet, cet esprit sortit et se jeta dans le troupeau de porcs qui passait à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a une similitude entre transfert, entre ce que faisaient à l'époque les franchiles et ce que fait justement cet exorcisme oriental. Alors, l'exorcisme donc oriental, ceci consiste à prendre un œuf. L'œuf étant un germe vivant, étant une cellule, étant une molécule, nous faisons donc les prières sur le patient et nous demandons, n'est-ce pas, changer une vie contre une vie, c'est-à-dire à libérer, à faire donc un transfert. L'œuf va jouer le rôle d'une éponge, va absorber ces vibrations négatives et une fois chargé, nous le brûlons pour détruire ces vibrations pour que ça ne revienne pas. Lorsque l'œuf a libéré, si vous voulez, le transfert est obtenu, l'œuf explose comme un pétard. Si le transfert n'est pas obtenu, l'œuf coule comme un œuf pourri. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes obligés de refaire une ou deux séries de façon à libérer le patient. J'utilise également une autre technique, mais qui est employée depuis, je crois, la nuit des temps, puisque en Italie, comme en Corse, c'est très connu. Cela consiste à faire tomber une goutte d'huile dans l'eau. On fait une prière sur de l'eau, sur une assiette d'eau propre, et le patient laisse tomber une goutte d'huile. Si cette personne est polluée, si elle est sous des vibrations négatives, l'huile va se dissoudre. Et la rapidité à laquelle l'huile se dissout va me donner également l'importance de cette pollution. À partir de ce moment-là, soit je dis au patient, monsieur, vous n'avez rien et je ne peux pas vous aider car il n'y a rien. Ou si l'huile se dissout, donc je pense que je peux me permettre de faire un exorcisme. Nous avons alors demandé à Mgr Augusti de nous faire un test pour savoir si nous étions envoûtés. C'est moi qui ai commencé, puis ça a été le tour de Bruno, enfin celui de Liliane. Bien. Je vais mettre tout simplement du sel pour vous montrer que le sel ne peut pas influencer l'eau, ou la densité, au contraire, va renforcer la densité d'eau. Avec le majeur droit, faites-moi tomber une goutte d'huile. Juste une goutte. Voilà. Votre huile flotte, ce qui est donc tout à fait normal. Vous êtes d'accord? Parce que l'huile est immiscible, donc l'huile ne veut pas se dissoudre. Hein? Je vais mettre maintenant de l'eau propre encore. Je vais remettre du sel et la prière. Et vous allez me refaire une goutte d'huile. Et nous allons voir le comportement qu'il y a sans prière et avec prière. Laissez-moi tomber une goutte d'huile. Voyez-vous, votre huile n'a pas la même forme. Tout à l'heure, elle était ronde, concentrée, bulbeuse. Vous êtes d'accord? Là, elle devient ovale et elle s'éclaircit. Maintenant, si vous voulez, je vais remettre de l'eau propre et en faire l'expérience avec Bruno. Alors, le comportement de l'huile de Bruno avec prière et sans prière. Vous êtes d'accord? Faites-moi tomber juste une goutte d'huile, Bruno. Tout à l'heure, vous avez remarqué que votre huile était ovale et me formait un œil. Donc celui-ci reste et, vous voyez, va se désagréger maintenant, voilà. Vous voyez comment ça se désagrège. La voûte s'est allée. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure. Voilà, vous voyez comment ça désagrège. Vous voyez? Les molécules se défont. Et là, on va recommencer l'huile avec une autre formule. Et vous allez voir ce que ça donne. Parce que je pense, là, malheureusement, c'est en direct, je vous dirai vos problèmes, car vous avez un problème. Alors là, on va recommencer avec une prière supplémentaire qui va peut-être confirmer la chose. Hein? S'il vous plaît, refaites tomber la goutte. Vous avez vu la rapidité à laquelle elle s'est dissoute. On reparlera de vos problèmes. Bien. Donc vous avez vu, on a fait donc deux expériences. Toujours sans prière. Donc je crois à la force donc, de la prière, de la valeur de la prière, du verbe, la puissance du verbe. L'huile reste pratiquement belle, flotte, c'est normal. Là, nous avons fait donc chaque fois avec prière. Vous, je pourrais dire que vous avez un petit problème, lequel j'en sais rien, parce que l'huile n'est pas très jolie. Elle ne reste, autrement, l'huile devrait toujours rester telle qu'elle tombe. Elle devrait rester cristallisée au début, à prière ou sans prière. L'huile doit rester cristallisée. Bon, la vôtre se modifie. Par contre, celle de Bruno se dissout totalement. Vous voyez, il reste absolument. Or, vous avez vu, c'est la même huile. Je n'ai rien rajouté. L'eau, c'est toujours l'eau glacée, je n'ai qu'un robinet, donc il n'y a pas de trucage. Ok, merci beaucoup, au revoir. À ce moment-là de la conversation, Mgr Augusti a demandé que l'on arrête le magnétophone et que Laurent et Liliane sortent de la pièce car il voulait me parler plus précisément de ce que révélaient mes tests d'huile. Je suis donc resté une dizaine de minutes avec lui et je dois dire que tout ce qu'il m'a dit alors sur moi, sur ma vie, sur mon entourage, sur mes habitudes, etc. était exact et même un peu troublant surtout venant de la part de quelqu'un qu'il ne m'avait donc jamais vu. Je dois cependant ajouter que, de tout cela, je ne veux pas et je ne peux pas conclure quoi que ce soit. Même avec la prière, regardez. Voilà, l'huile doit rester comme ça. Vous voyez, malgré la prière, l'huile reste une perle. Vous voyez la différence ? Elle est très très belle. Bon, puisque vous couperez après, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ça parce que, voyez-vous, votre huile est accompagnée d'une gouttelette. Et ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps. Hein. Ça, vous couperez parce que c'est ça, sa vie privée. Je m'excuse, c'est peut-être une erreur puisque ce n'est qu'une goutte d'huile, ce n'est pas. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème d'ordre affectif ou sentimental. Je ne sais pas si vous avez été divorcée ou veuve ou peut-être pas. Mais il y a une rupture, il y a une présence supplémentaire chez vous. Je ne sais pas votre vie, c'est vous qui... Voilà, je ne vous demande pas de répondre puisque nous sommes... Vous voyez, il y a une goutte supplémentaire qui est venue se rajouter. Donc je pense qu'il y a eu ou un défenseur rompu ou un divorce ou un problème affectif. Ça, c'est ce qu'il a dit à Liliane. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Malheureusement, beaucoup de gens, et je le vois parmi les demandes, enfin les coups de fil que je reçois, les gens confondent exorcisme et magie noire, ou magie. C'est deux choses indépendantes. La magie, c'est un rituel où on invoque des forces diaboliques ou tout ça. Je ne peux pas vous dire ça existe, je n'ai jamais pratiqué, je ne connais personne qui en pratique, donc j'ignore si ça peut exister. Mais malheureusement, un exorcisme ne peut jouer que sur une présence vibratoire cristallisée sur la personne. Mais l'exorcisme n'est pas un rituel de magie. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, qu'un patient vient pour des problèmes très définis, en dehors des névroses, des fatigues, autre chose, obtenir un miracle, puisque l'exorcisme ne fait pas autre chose. Monseigneur Augusti, exorciste de l'Église catholique apostolique. Monsieur G, guérisseur à Paris. Les réactions des gens, lorsqu'on leur apprend qu'ils subissent une influence extérieure et que leur maladie n'a aucune raison physique ou médicale, c'est parfois bizarre. C'est parfois bizarre parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout surprises. Parce que lors de l'entretien, ils me racontent ce qu'ils sont connus dans leur jeunesse ou ce qu'ils constatent chez leurs parents ou dans leur famille. Alors on me raconte des histoires de fermes où les animaux sont toujours malades ou crèvent facilement, ou une famille où les accidents se multiplient, les pépins sont permanents. Et n'étant pas surpris, accepte très facilement donc l'exorcisme qui va les mener vers la guérison. Il y en a d'autres qui sont vraiment, par contre, très surpris et qui n'imagine pas qu'en 1979, de tels phénomènes puissent encore exister. Il relie ça au Moyen-Âge ou au passé lointain. Mais quand on leur explique que beaucoup de guérisons ont été obtenues par ces procédés, ils acceptent. Par contre, il y en a qui sont complètement scandalisés. C'est vraiment l'expression complète du tabou. Il ne faut pas parler de ces choses-là. Les forces du mal, ça fait toujours peur, c'est normal. Et il y en a qui partiraient presque en courant parce qu'on leur a appris ce qui les dominait et les empêchait de guérir. Je me souviens d'une jeune fille de 14 ans, à peu près, qui était gravement handicapée, qui avait tous les muscles bloqués, les bras, les jambes difformes, qui n'avait pas du tout un comportement humain, donc classée débile profond. Dès qu'elle entrait dans mon cabinet, c'est comme si un sixième sens l'avertissait de ce qu'il attendait, autrement dit, ce qu'il attendait, c'était la guérison. Eh bien, elle hurlait. C'était vraiment insupportable. Je ne pouvais même pas l'approcher, même si je l'approchais par derrière, dès que j'arrivais à un mètre, sans qu'elle me voie, elle commençait à hurler, à se débattre. Jusqu'au jour où j'ai constaté, donc, cette influence extérieure, ces ondes nocives. Et donc consultation chez un exorciste. La différence a été vraiment très spectaculaire. À la première visite qui a suivi l'exorcisme, sa figure avait repris déjà un comportement humain, un faciès humain. J'ai eu droit à un sourire, j'ai pu l'approcher. J'ai pu pratiquer les impositions de main et je pense que cette personne va maintenant être récupérée et on va aller très vite vers une guérison complète. Bien sûr, il faudra faire avec ce qu'il reste parce que les déformations permanentes qui l'ont affecté au niveau corporel seront difficiles à récupérer. Je suis photographe, je travaille dans les salons depuis 16 ans. Et les 13 premières années de photographie dans ces salons ne se sont pas trop mal déroulées. Mais il y a 2 ans, j'ai commencé à voir mon chiffre d'affaires diminuer. J'étais très très étonné, évidemment. Ma femme étant mon assistante, nous nous sommes déjà posé des questions. Et puis, ça allait de plus en plus mal. J'ai rencontré une amie à qui j'ai expliqué mon cas, mon affaire, et elle m'a parlé de Mgr Augusti. Elle venait voir Mgr Augusti pour des problèmes de santé, mais elle m'a dit effectivement qu'il pouvait peut-être faire quelque chose et me débloquer cette situation. Donc j'ai pris rendez-vous avec Mgr Augusti, j'ai dû attendre d'ailleurs très longtemps parce qu'il y a beaucoup de monde. Et quand je suis arrivé, j'ai expliqué cette affaire, ce problème, et il m'a dit qu'il y avait très certainement une possibilité de voir tout de suite s'il y avait un problème d'envoûtement. Il m'a fait le test de l'huile, de la goutte d'huile, et immédiatement, il s'est rendu compte, et il m'a expliqué d'ailleurs comment ça se passait, il s'est rendu compte que j'avais le mauvais œil, comme il dit si bien, c'est-à-dire un problème d'envoûtement, et donc mon affaire était complètement bloquée. Et il a commencé donc à me faire un exorcisme. Si bien que la première fois, je n'ai pas senti quelque chose de particulier. Je suis rentré chez moi normalement, j'en ai parlé à ma femme, et puis on a dit on va bien voir, on va attendre. J'ai travaillé évidemment toujours en tant que photographe dans ces salons. Je suis revenu une seconde fois, 3 semaines plus tard, Et la goutte d'huile était quand même, le test de la goutte d'huile était quand même meilleur, mais c'était pas encore cela. Malgré tout, je m'étais aperçu que certains clients qui me tournaient la tête, qui me commandaient beaucoup moins de photos, voire pas du tout pour certains, alors que mes concurrents, eux, travaillaient, c'est ça surtout qui est très intéressant, parce que nous sommes une quinzaine d'équipes dans ces salons qui se déroulent à la Porte de Versailles ou à la Défense, et où j'ai commencé à comprendre que j'avais vraiment un sérieux problème, c'est que je ne travaillais pas et eux travaillaient. C'est pourquoi, donc, je suis venu rencontrer, j'ai rencontré Monseigneur Augusti, et après, donc, cette seconde séance, il m'a fait le test de l'huile, ça paraissait un peu débloqué, mais mes affaires, elles aussi, étaient un peu débloquées. Nous avons eu une troisième séance, et à partir de cette troisième, mes affaires ont vraiment repris un cours normal, pendant quelques mois. Et au bout d'un certain temps, à ce moment-là, ça a été extraordinaire, parce que je voyais, j'observais à ce moment que certains photographes, qui eux travaillaient beaucoup, travaillaient moins, c'est un fait bizarre, et nous, nos commandes commençaient vraiment à devenir importantes. J'ai 48 ans. Il y a une quinzaine d'années, brutalement, je me suis réveillée un matin avec des boutons sur la figure. Le genre de boutons, je m'en excuse, c'est pas très élégant. C'était de gros boutons avec du pus. Il me laissait toujours de nombreuses cicatrices. Et quand j'avais une cicatrice à côté, un autre bouton qui repointait, donc j'étais absolument défigurée, je n'avais plus figure humaine. Quand j'ai vu ça, je me suis précipitée chez un dermatologue du quartier, deux dermatologues du quartier. J'ai étendu un peu mes visites. Je suis allée jusqu'à Paris. Enfin, je suis allée dans les hôpitaux, l'hôpital Saint-Louis, à l'hôpital Tarnier, c'est ça, hein, vers la rue d'Assas. Je suis arrivée grâce à des relations à aller voir de grands dermatologues, vraiment des gens très très très connus, des grands pontes. Et toujours, je traînais toujours les boutons, malgré les traitements, les différents traitements. Alors, au bout d'un certain nombre d'années, j'en ai pris mon parti, et puis j'ai abandonné. Et un jour, chez des amis, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont vu. Et puis, il y a une personne qui me dit, au point où vous en êtes, vous devriez aller voir Monseigneur Augusti. Monseigneur Augusti, pourquoi il est dermatologue? Non, il n'est pas dermatologue, il est exorciste. Exorciste. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment qui m'échappait totalement et j'étais très hésitante. Je n'y croyais pas. Puis je me suis dit, oh, après tout, j'ai vu tellement de monde, pourquoi je n'irai pas voir également Monseigneur Augusti? Ce sera une expérience. Je suis venue voir Monseigneur Augusti, il a fait des tests et il m'a dit, vous êtes envoûtée. Bon, jusque-là, je me suis dit, bon, je suis envoûtée. Mais bon, ben, je suis envoûtée, mais moi, je ne me rendais pas compte que j'étais envoûtée. Absolument pas. Il a fait le nécessaire. Première séance, rien. Rien du tout. Deuxième séance, rien du tout. Troisième séance, chez lui, il ne se passait strictement rien. Je suis rentrée donc la troisième fois à la maison. Puis le lendemain, j'étais en train de faire ce qu'on peut faire chez soi, pour cuisine, ménage, je ne sais pas quoi. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai eu le cœur qui s'est mis à battre, mais à battre, une tachycardie absolument extraordinaire. J'ai toujours des tas de colliers, etc. Je me suis allongée parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai vraiment eu peur. J'avais mon collier qui décollait de ma poitrine à facilement 10-15 cm. Je me suis dit, moi, je vais claquer. J'ai une crise cardiaque. En fait, d'exorcisme, j'ai une crise cardiaque. Alors, j'ai mis ma clé sur la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis, il faudra bien que quelqu'un rentre chez moi. Puis on me trouvera certainement morte, tellement j'étais mal. Je me suis levée et à ce moment-là, j'ai eu une espèce de martèlement en tête, des bruits de ferraille, des espèces d'agressions. Les couleurs changeaient. J'entendais des bruits, mais des bruits vraiment extraordinaires. Je ne bougeais pas de place. Bon. Et puis tout d'un coup, mon cœur s'est calmé. Et à ce moment-là, j'ai eu un bien-être, comme si j'étais dans du coton. C'est comme si j'étais dans une pièce insonorisée. Tout à fait. Vous voyez, c'était très calme, très doux. En fait, tous mes sens étaient perturbés. À ce moment-là, il s'est ouvert quelque chose ici. Je dis ouvert parce que pour moi, j'ai eu l'impression que c'était une soupape qui s'ouvrait. Et je me suis dit, mon Dieu, mais je perds un organe, je perds quelque chose. J'ai regardé par terre, je dis, mais j'ai rien. Et un poids est parti. Alors ça, c'était, ben, vous savez, c'est assez impressionnant. Hein. Un poids est parti, je l'ai cherché partout, je n'avais strictement rien. Ça s'est ouvert, j'ai eu une sensation de fraîcheur, de bien-être, mais un bien-être absolument extraordinaire que je n'avais jamais connu avant. Bon, alors ça, c'est pour les phénomènes intérieurs, mais ce qui s'est produit les jours suivants, et je dis rapidement, c'est-à-dire dans les 3 jours qui ont suivi, je n'ai plus eu de boutons sur la figure. Ma peau qui était sèche et puis toujours pleine de peau, c'était sec, alors ça se craquelait, finit par se réhydrater. J'ai eu une peau qui revenait normale. Donc je vous disais que Mgr Augusti m'avait dit que j'étais envoûtée depuis la naissance. Je ne pouvais pas m'en apercevoir, puisque... comment voulez-vous que je m'en aperçoive ? Rien n'allait depuis ma plus petite enfance. D'abord, chez mes parents. Mes parents, il y avait une atmosphère dans la maison absolument insupportable. Mes parents ont fini du reste par un divorce. Nous étions privés les uns et les autres de toute la famille. J'étais privée de toute la famille. Je ne connaissais strictement personne parce que la personne qui faisait les envoûtements avait semé la pagaille dans les deux côtés. Si bien que nous étions isolés, mes parents, l'envoûteuse et moi, on vivait en circuit fermé. Depuis que je me suis fait exorciser par Mgr Augusti, alors là, il m'arrive une chose absolument encore fantastique, c'est que ces gens-là me reviennent. Et maintenant, je sais que les problèmes qui me sont arrivés dans la famille avec laquelle on m'a coupé. Donc, il s'est bien passé quelque chose, parce que ce n'est pas uniquement sur moi, mais c'est arrivé sur d'autres personnes. Et alors, la personne qui fait des envoûtements, elle donne l'impression vraiment d'être une femme du monde, d'une grande pureté d'âme, s'occupant d'œuvres de charité. Et en fait, c'est le diable qui est en elle. Père Meuillet, chargé des relations avec la presse au diocèse de Paris. Il est un fait que le mot exorcisme était appliqué jadis dans les ordres mineurs dont était revêtu celui qui voulait devenir prêtre. Il y avait l'ordre de portier, de lecteur, d'acolyte, d'exorciste, qui lui donnait le droit et le pouvoir de chasser les démons. quand on se met à parler du diable, du démon, des manifestations extérieures que l'on peut qualifier de démoniaques, l'Église est restée toujours très prudente, et avant de laisser un prêtre ou un futur prêtre se livrer à des exorcismes, c'est-à-dire à cette délivrance de celui qui pensait être possédé par un esprit mauvais, il fallait qu'il y ait auparavant une permission demandée qui permette à l'autorité de savoir de ce dont il s'agissait. Nous sommes encore mal sortis de l'imagerie du Moyen-Âge qui montrait le démon, le diable, Belzébuth, en train d'arracher à Dieu l'âme des mortels. Il est bien évident qu'à l'heure actuelle, il y a encore des exorcistes pour délivrer de cet esprit du mal. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un homme qui a été choisi pour son expérience de la vie, autrement dit, qui ne se laisse pas avoir, si l'on peut dire, par toutes sortes de formulations qui n'auraient rien à voir avec une affaire religieuse. Et qui est au courant en même temps de sciences humaines. Qui sait aujourd'hui où l'on en est un peu de la recherche de ce qui est le fond de l'homme. C'est un homme qui est en rapport en même temps avec des psychanalystes, des psychologues, qui est au point avec un certain nombre de gens qui s'occupent de maladies nerveuses ou psychiques. En général, les gens qui le reçoivent, ce ne sont pas des gens qui sont habités par le démon. J'appellerais que ce sont des gens qui constituent le peuple de l'angoisse. Des gens qui, psychologiquement, psychiquement, se croient possédés. Il est certain que les gens que reçoit le père Gesselin présentent parfois un certain nombre d'aspects insolites. Faut-il pour autant mettre cet aspect insolite sur le compte du démon ? C'est pas sûr du tout. Je pense qu'il faut se mettre d'accord sur le mot possession démoniaque. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je dois dire que vous et moi, nous pouvons être sujets à être possédés par le démon. Nous pouvons dire en même temps qu'il peut avoir sur un plan collectif des gens possédés par le démon. Je pense que l'Allemagne hitlérienne a été possédée. C'est tout un peuple pourtant d'origine chrétienne, l'Allemagne, qui vraiment a été soumise à un cas de possession. Les gens qui viennent voir le Père Gesselin, je vous dis, c'est le peuple de l'angoisse. Ce sont de pauvres gens qui viennent se confier à lui et déverser au fond de son cœur tout ce dont ils sont angoissés. Et bien souvent, le Père Gesselin les renvoie à un médecin, les renvoie à un psychanalyste, les envoie à se soigner. Parce qu'il faut que je vous dise aussi qu'il les renvoie en même temps, comme nous renvoyons tous quand nous nous confessons, nous autres prêtres, nous les renvoyons tous à une affaire beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que celui qui a vaincu le mal et le péché et le démon, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est venu apporter par sa passion et sa mort le salut. C'est par sa résurrection que nous sommes des hommes nouveaux. Et par conséquent que la bataille entre le bien et le mal, elle est déjà réglée par la mort et la résurrection du Christ. C'est-à-dire que la puissance du mal, elle existe, que je vous ai montré que nous sommes les uns et les autres sans cesse sollicités par l'esprit du mal qui est en nous, mais que nous avons en même temps, pour résister à cet esprit du mal et d'une façon victorieuse, la grâce de Jésus-Christ. Nous avons les sacrements de pénitence, d'Eucharistie, qui sont à notre disposition comme étant les gestes du Christ qui vont nous aider toujours à être victorieux. Et que le meilleur exorcisme que l'on peut souligner, c'est une vie chrétienne qui est liée au sacrement que l'Église met entre nos mains pour être victorieux. Thank you. Le père Meuillet parlait du père Gesselin, exorciste de l'Église catholique, apostolique et romaine, dans le diocèse de Paris. Écoutez, je vais vous dire une petite histoire. J'ai été vicaire et curé, et je me souviens qu'un jour, il y a une dame est venue me trouver en me disant « Écoutez, voulez-vous venir voir ma mère ?» Elle se dit perdue et possédée par le démon. « Venez, je vous en supplie, essayez de la déverrouiller. » « Écoutez, madame, je connais bien votre maman. » Ah, il n'y a pas d'erreur en ce moment, c'est effroyable. Elle se trouve damnée, possédée, etc. » J'ai été la voir, cette dame qui dit « Ah, monsieur l'abbé, je suis content de vous voir parce que je suis possédé par le démon, j'en suis sûr. » Eh bien, je dis « Écoutez, c'est pas difficile. Vous avez confiance en moi. Je vais dire au démon de s'en aller et nous allons prier ensemble. » Eh bien, je dis « Écoute, démon, va-t'en de cette femme et nous allons prier ensemble pour qu'elle soit dans le calme et dans la paix. » Eh bien, ça y a été. Cette femme est revenue dans la paix. Je ne sais pas si pour appeler ça un exorcisme, mais enfin j'ai calmé cette femme parce qu'elle avait confiance dans le curé que j'étais, dans sa paroisse, et parce que je l'ai accueillie et j'ai dit qu'on allait prier ensemble, ça suffit. C'est pas pour autant qu'elle était possédée du démon. Monseigneur Marc-Antoine Augusti. Je crois beaucoup, si vous voulez, à l'exorcisme, la présence d'esprit. Je crois pour deux raisons, parce que quand j'ai fait mon séminaire, on nous a appris dans la mystique ascétique de Tancrée, dans le livre donc, qui a l'imprimature de Rome, qu'il existe, n'est-ce pas, des présences, des possessions. Donc, dans ces possessions, il y a à distinguer deux possessions, ce qu'on appelle la possession interne et externe. La possession interne, c'est l'esprit, enfin dit ancré, l'esprit qui fait corps avec l'âme, qui est dans le corps et qui joue comme un moteur sur votre organisme. Il se sert de vous et vous donne donc des symptômes un petit peu démentiels, enfin dans tous les ordres. Et puis la possession externe, elle joue comme un esprit par hypnose sur le corps. Ce qui fait que vous avez donc des névroses, des maladies qui défient l'art médical. C'est le terme exact de Tancrée. Je crois également donc que l'envoûtement existe, parce que d'abord je suis prêtre et que le rôle d'exorciste a toujours été le rôle d'un prêtre, et que l'ordre d'exorciste a été créé par nos pères et surtout par le Christ. Dans la Bible, dans nos saints évangiles, on trouve beaucoup de passages dans Matthieu, Luc, Job, ou même dans les Actes des apôtres, où il y a un passage où on précise que les esprits existent et que le Christ, donc exorcisé, faisait sortir les esprits. Maintenant, il y a deux formules. Soit que réellement l'Évangile est un livre saint, pur, et dont on ne peut pas retirer une virgule de cette écriture. Dans ce cas-là, je suis obligé de croire à cette présence, puisque l'Église nous affirme que l'Évangile est une écriture inspirée, donc authentique. Ou alors, dans ces passages, c'était des fantaisies, donc on peut les retirer, ou ne plus croire en disant « c'est du mythe ». Alors, je pense que c'est assez grave, parce que tout l'Évangile est à remettre en cause. Je pense que les prêtres qui ont mon âge ont tous fait, donc, au séminaire, le mystique et ascétique de Tancrée. Là, Tancrée, c'est un livre donc, qui a l'imprimature, donc un livre officiel, reconnaît justement la présence de ces possessions internes et externes et donne tout un détail dans toute une cérémonie pour pouvoir, si vous voulez, conjurer, délivrer les personnes de ces problèmes. Thank you. Roland Villeneuve, historien de la sorcellerie, diabolique peut-être, mais sûrement pas envoûté. Le diable n'est plus tel qu'on le voyait au Moyen-Âge, par exemple avec sa queue fourchue, ses cornes, ses sabots, ses griffes, etc. Mais il s'est maintenant, il est toujours présent, enfin plus que jamais. Pour moi, il s'est dilué justement dans la grisaille du quotidien. Et il est de plus en plus présent. Enfin, évidemment, la façon dont Luther l'a vu d'une façon absolument brutale à Wittenberg, quand il lui a lancé un encrier au visage en lui disant « Non, tu ne m'auras pas, tu ne joueras pas de moi », mais le diable a changé. Il est devenu un petit peu comme un petit bourgeois avec un béret tout à fait quelconque. Mais c'est ça, le diable, ça peut être ça, le diable. Il peut avoir toutes les formes, puisqu'il est capable. Il est légion, il est métamorphose. Il peut donc emprunter n'importe quelle forme, et de ce fait, on peut le voir, on peut le rencontrer dans l'autobus, dans le métro, au cinéma, n'importe où. Troisième œil, par Liliana Binsour, Laurent Danon-Boileau et Bruno Sourcy. Ce soir, désenvoûtement et exorcisme. Demain, lieux et objets chargés. Nous avons laissé parler des gens dont nous ne partagions pas toujours le point de vue. Aussi, vendredi soir, à l'issue de la série, nous nous réserverons une sorte de droit de réponse à ces différents témoignages. Tartini, sonate 4 en sol majeur. Comme chaque soir, toujours sur le thème de la sorcellerie, mais dans un cadre différent, Laure Adler reçoit un écrivain. Maxime Préau, vous venez de préfacer le discours exécrable des sorciers d'Henri Boguet. Il faut dire que vous aviez fait l'exposition à la Bibliothèque nationale qui s'intitulait Les sorcières il y a maintenant 6 ans, et vous vous occupez d'une revue qui s'occupe de sorcellerie, entre autres. Alors ce discours exécrable des sorciers avait eu beaucoup, beaucoup de succès. Il avait été de multiples fois réédité. Une dizaine de fois à peu près, entre la première date de parution et puis ces 110 années à laquelle l'auteur a estimé nécessaire d'interrompre les publications. Vous êtes gêné d'avoir autant de succès ? Ben, il semble que ça le gênait. Il cherchait à obtenir un poste de choix au Parlement de Dole. Et son intransigeance, du moins la violence qu'il avait montrée dans les affaires dont il s'était occupé, lui attirait une mauvaise réputation, disons. Alors il a cherché plutôt, du moins c'est ce qu'on pense, hein, parce qu'on n'a pas de preuve absolue de cette chose-là, il a cherché à étouffer un petit peu cette gloire peu satisfaisante. Alors il a écrit quand même un des textes les plus importants sur la sorcellerie. Disons que c'est un texte qui peut nous apporter beaucoup de choses, du moins apporter beaucoup de choses à ceux qui s'intéressent à l'histoire de la sorcellerie. Dire que c'est un texte très important, il l'est naturellement parce que finalement il y a assez peu de textes de ce genre. Et il est intéressant dans la mesure où ça nous donne la pratique d'un juge. C'est à la différence de Bodin qui lui est un théoricien, qui a éventuellement participé à un procès, qui lui avait d'ailleurs donné l'occasion d'écrire son gros livre, là, sur la démonomanie des sorciers. C'est les deux grands textes connus, Bodin et Boguet, en fait. Non, il y en a quand même pas mal d'autres. Disons qu'il y a notamment les textes de Delancre, hein, qui sont, eux, tout à fait spectaculaires aussi, qui nous apportent énormément de choses, notamment sur la culture populaire du Pays Basque et les mentalités de cette époque. Alors, le texte de Boguet, lui aussi, nous apporte beaucoup de renseignements. Il est, si vous voulez, moins scientifique, moins théorique que le texte de Bodin. Et il est par conséquent beaucoup plus accessible au plus large public. Hein. Oui, il se lit très facilement. C'est sa pratique qu'il raconte. C'est ça, il raconte son procès. Alors, les différents procès, du moins, auxquels il a été mêlé, enfin, qu'il a dirigé. Et c'est assez spectaculaire. Alors, il a dirigé combien de procès ? Le nom exact, on ne saurait pas le dire. Hein. Enfin, les chiffres sont tout à fait fantaisistes. Ces victimes peuvent se dénombrer. C'est-à-dire que, oui, on est arrivé à les dénombrer. C'est Francis Bavou, qui autrefois était archiviste à Besançon, qui avait fait plusieurs travaux sur ce juge, et qui avait donc pu retrouver dans les archives différents procès. Notamment, il a publié aussi des procès inédits de Boguet, enfin des procès dont Boguet ne parle pas dans son livre, et qui sont eux aussi tout à fait intéressants. Et alors, en gros, combien de victimes ? On aboutit à 28 condamnés à mort, dont 8 brûlés vifs et 4 qui sont morts en prison. Ça on en est sûr. Alors ce sont les chiffres sûrs, hein. On est loin des chiffres qu'on imagine généralement. Oui, parce qu'il y avait une légende qui voulait qu'il y ait effectivement Boguet ait tué des centaines et des centaines de victimes. Mais oui, hein, mais ça c'est la tradition et c'est pratiquement la loi du genre. Hein. Tous les juges de sorcières ont été accusés d'avoir, quelquefois ils s'en vantaient. Hein. Par exemple Rémy, qui travaillait lui en Lorraine, se vantait d'avoir exécuté 900 personnes pendant le temps où il était actif. C'est-à-dire une quinzaine d'années, ce qui est quand même pas mal, si vous voulez. Mais Boguet, c'est pas son genre, il se vante pas quand même. C'est un peu vantard, bien sûr, mais il n'insiste pas spécialement là-dessus. Il a l'impression de remplir une mission et il regrette, lui. À certains moments, dans certaines de ses préfaces, il constate que les sorciers se multiplient comme les chenilles, hein, dans les jardins, et il souhaiterait avoir un petit peu de DDT, si vous voulez, pour pouvoir les exécuter tous en même temps. Mais je crois qu'il y avait une espèce de phobie de la sorcellerie, c'est vraiment la grande époque, une des deux grandes époques, avec la fin du XVIe siècle, le début du XVIIe, une des grandes époques où on voit des sorciers partout. Quoi. Alors ça, les sorciers, évidemment, ils y croient, le diable aussi. Ah bah, c'est inévitable, de toute façon, hein, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, et de toute façon, c'est parce qu'ils croient en Dieu aussi qu'ils croient au diable. Non, mais on a vraiment l'impression, en lisant son texte, ça fait de temps en temps une impression étrange, parce qu'on a vraiment l'impression qu'à force d'en parler, il le fait effectivement vivre, en tout cas dans son livre. Il le décrit tellement, le diable. Il le décrit pas tellement. Il le décrit d'abord par l'intermédiaire des accusés. Ouais. Lui-même ne l'a pas rencontré spécialement. Enfin, il y croit comme tout le monde à cette époque-là. Et c'est tout à fait normal. Je veux dire, sans le diable, le monde de cette époque-là n'a plus d'existence solide. Donc c'est tout à fait logique. Et il est même normal, il trouve tout à fait normal, comme la plupart de ses contemporains, que le diable se mêle des affaires des humains et cherche à faire tomber le genre humain dans la catastrophe. Alors il y a des chapitres très savoureux sur la semence du diable. Il y a un premier chapitre qui dit que la semence du diable est froide, ensuite elle est glaciale, etc. Ça l'obsédait beaucoup, la semence. Je crois que en fait tous se posaient des questions là-dessus. Hein. Il s'agissait de savoir, tout en connaissant le diable par les Écritures, tous ces gens-là étaient satisfaits finalement d'avoir de pouvoir interviewer. Directement, avec quelquefois des moyens de pression un peu sévères, des personnes qui prétendent ou sont accusées en tout cas d'avoir fréquenté le diable de très près. Et sait-on comment Boguet procédait avec les accusés, concrètement ? Je pense qu'il le dit. Il le dit lui-même dans la deuxième partie de l'ouvrage. Enfin, c'est-à-dire qu'il raconte quelques-uns des procès dans le gros du livre, et puis à la fin, il y a une instruction pour un juge, si vous voulez, dans lequel il donne des conseils aux juges, aux autres juges, à la fin du texte, qui pourront donc utiliser la même méthode que Boguet pour obtenir les mêmes résultats satisfaisants auxquels il estime être parvenu. Et donc, la procédure est tout à fait classique, mais elle est théoriquement illégale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on juge au criminel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut permettre de poser la question, c'est-à-dire de pratiquer la torture. Et puis, alors, on accepte, dans les circonstances exceptionnelles, du crime de sorcellerie, qui est un des plus graves qu'on ait pu constater, puisque c'est plus encore que la lèse-majesté, qui est déjà le crime le plus grave qu'on puisse commettre, par exemple, en France. Mais c'est un crime de lèse-majesté divine, puisqu'on va contre la divinité elle-même. Alors, à ce moment-là, à crime absolument exceptionnel, la procédure devient complètement exceptionnelle, elle aussi. Ce qui fait qu'on accepte un seul témoin alors que c'est absolument illégal, il en faut au moins deux. On accepte des témoins qui sont déclarés ennemis déclarés de l'accusé. On accepte que les enfants et les femmes témoignent contre le père ou le mari. Et on accepte des témoignages comme recevables, des témoignages d'enfants qui ont 6 ans, 7 ans. Enfin, c'est absolument, même à l'époque, scandaleux. Enfin. Et ce qu'il y a aussi d'étonnant dans le texte de Boguet, c'est la façon dont il rend géographiquement la croyance dans les sorciers. Je pense notamment à ces chapitres nombreux sur le sabbat. Il dit, oui, on dit souvent que les sabbats se passent dans des endroits un peu étranges, etc. Moi, je sais où ça se passe. Ça se passe près de tel champ, près de tel chemin, etc., etc. Oui, enfin, ça se passe à la campagne, tout ça. Hein. Ce sont des petits villages de la région jurassienne. Et les endroits sont probablement aujourd'hui, enfin, si on faisait une recherche... Oui, c'est tellement précis. Oui, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire de recherche. Hein. C'est des endroits que certainement tous les gens du coin connaissent encore aujourd'hui, qui sont peut-être d'ailleurs mal réputés encore aujourd'hui, c'est très possible. Hein. Donc une véritable recherche sur Boguet nous entraînerait donc sur ses pas, et nous permettrait probablement de retrouver tout un folklore latent derrière cette affaire-là. Et on remonterait probablement à des phénomènes beaucoup moins mystérieux que ceux qui sont évoqués dans le livre de Boguet. Et est-ce que ces instructions qui figurent à la fin de son livre ont été suivies, puisque vous disiez tout à l'heure qu'elles étaient illégales, elles ont quand même été imprimées? Étaient illégales, mais elles avaient force de loi, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'elles étaient, si on examine les choses froidement, elles sont insupportables. Mais la plupart des gens, et même un juriste aussi avisé que Bodin, qui avait écrit un livre sur la République... qui avait participé aux états généraux, enfin qui était considéré comme quelqu'un de tout à fait respectable en matière de droit, lui-même ne le suivait pas, puisqu'il ne pratiquait pas, mais il leur donnait les mêmes recommandations. Et d'ailleurs, Boguet s'inspire largement de Bodin lorsqu'il donne ses opinions. Et ce Boguet, qui était finalement un petit juge qui a réussi grâce à la sorcellerie, comment est-il mort? Parce que là aussi, il y a des légendes qui circulent sur lui, comme quoi il serait mort peut-être sur un bûcher de sorcellerie. C'est ce que disent certains historiens de la sorcellerie. C'est ça, oui. On peut presque regretter, si vous voulez, qu'il ne soit pas mort comme ça. Je pense que ça, à la limite, ça aurait été plutôt plaisant. Mais malheureusement, il est mort de façon probablement tout à fait banale. On sait qu'il est mort à la suite d'une longue maladie. Il a cessé progressivement d'assister aux séances du Parlement et puis il a disparu du registre de présence. Et puis on n'a pas d'autres détails, mais il est probablement mort de sa belle mort dans son lit, comme quelqu'un qui aurait fait de la justice banale toute son existence. Mais à vous entendre parler, on a l'impression qu'Henri Boguet, c'est un fonctionnaire, un petit bureaucrate moyen de la sorcellerie, finalement. Je ne sais pas si dans ce domaine, il y a des petits bureaucrates, mais... Il écrit comme ça, un peu, en tout cas. Il écrit, oui, de façon assez banale, assez posée, assez tranquille. Il écrit pas mal, d'ailleurs. Hein. C'est très plaisant à suivre, du moins dans la forme. Oui, c'est un peu inquiétant, bien sûr, parce que imaginez que vous vous trouviez entre les mains d'un individu de ce genre. Vous n'auriez pas beaucoup de chance de vous en sortir. Mais... c'est pas un personnage brillant, hein, certainement pas. En dehors de ça, il a fait quelques petits bouquins comme on en faisait à cette époque-là, hein, petits bouquins sur l'abbaye de Saint-Claude, fait des petits bouquins d'histoire. C'est un petit archiviste, un petit peu, mais un archiviste pas très brillant, un petit personnage, quoi. D'ailleurs, les sources qu'il donne dans son livre, qu'il donne en notes, si vous voulez, ne sont pas des recherches très approfondies qu'il a pu faire. Il a piqué ça à Bodin et à d'autres auteurs beaucoup plus experts que lui, comme Del Rio, comme Binsfeld, qui étaient eux des ecclésiastiques formés à la scolastique, etc. Et il y avait combien de juges comme Henri Boguet à la même période que lui, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle ? C'est très difficile à dire. Je ne saurais pas vous dire exactement le nombre de juridiction, surtout que c'est assez compliqué. Hein. Vous avez différents types de juridictions, les juridictions civiles, les juridictions ecclésiastiques, etc. Mais il y en avait un bon nombre, si vous voulez. Tous n'ont pas eu les mêmes activités, mais il est probable que beaucoup d'entre eux ont eu à traiter d'affaires de genre. Simplement, ils n'ont pas tous jugé bon, soit d'être d'une sévérité excessive, soit d'écrire un livre passionnant là-dessus. Discours exécrable des sorciers, préface de Maxime Préau, aux éditions Jeanne Lafitte, Marseille. Qui veut avoir misère, n'a qu'à s'y marier, n'a qu'à s'y marier, le premier soir des noces, misère vient à ma porte, qui demande d'entrer. J'ai pas pu l'envoyer, non là, j'ai pas pu l'envoyer, non là. Le troisième soir des noces, l'huissier vient à ma porte, non là, c'est pour m'accoutumer, non là. L'a emporté mon corps, ma poêle à fricasser, non là, ma poêle à fricasser, non là, ma jolie robe de noces, mon bouquet d'oranger, non là, mon bouquet d'oranger. Ma robe traîne, non là, sur mes sabots percés, non là. Malicorne. Thank you. Nuit magnétique, Alain Armstam, Jean-Marc Papadacci, Laure Adler, Liliane Abinsour, Bruno Sourcy et Laurent Danon-Boileau. Bonsoir, à demain. L'émission que vous venez d'entendre est le troisième épisode d'une série de cinq. Première diffusion sur France Culture le 12 décembre 1979. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Demain, diffusion du quatrième épisode.